va se passer tranquille. Hey, ah, j'écris ma vie, j'ai crié des années dans le cendrier, vidé des encriers, passé du temps à crier, à tirer par le vide. J'ai appris, le pas vu pas pris, à mes 22 piges facilement payé le garde du tarif. Ah, l'amour est à la traîne, alors madame fais pas la reine. Toujours les jambes à l'air, t'es pas malade, ta chambre à la crème. La vie à la vraie, faut qu'on tire un trait. Un vrai soldat, c'est un blessé qui passe pour un petit balafré. Pas le genre qui va te lâcher, ni celui qui va cracher. Pas de bras cassés, faut fracasser les portes, des coffres cadenassés. Les carnages, ils réclament où ils revolent la ration. Y'a pas de lueur d'éclat dans les yeux de ma génération. On se casse la tête et tous réplaquent, les moutons font la queue. Et comme des bêtes, nous confond l'évasion et la peu. Prêt à passer aux aveux, l'étoile passe, fait un vœu. En elle se passe, puis elle se fasse dans l'espace. Rien faut faire passe. Le truc, porter ses couilles, où c'est que t'as vu que la vie s'écoule. On nous dit faut construire, sans nous dire tant de mètres où s'écroule. Un penalty dans une cage vide, peur de rater le but. Mais quand il s'agit de faire le truc, des gars peuvent nous marcher dessus. On contrôle pas l'esprit, frère, nos vies c'est leur business. Collection de disquettes, dans ta petite tête. Pas de mixtape, c'est le disquaire. Faut pas que ça devienne un taf, vu qu'aujourd'hui j'ai que ça pour me distraire. Une déception, y'a des lésions, des baisers vieux. Me parlez pas de cesser le sort, mais cesser le feu. Et si j'ai bien compris, les prix grimpent, les mêmes engrages. Devine qui traque, ce qui dérange, rien ne va changer. J'parle des familles dans l'oubli qui brillent jour et nuit, à bout et s'épuisent, sans rien à manger. J'ai tracé ma route à côté de la course. Et c'est le bord de touche qui reste toujours à ma portée. Forcé de constater qu'ils ont fermé les portes. Ce qu'ils savent pas, c'est que la frappe nous téléporte, prévenez les portes. On fait le chemin sans détour, hein, n'allez sans retour. Pour y arriver, faut y aller, et passer un coup de balle et danser. J'écris des rimes, des lignes, des petits délires. Des idées tristes, des idées je vise de remplir la valise avec des billets. J'arrive à pic, chérie, de qui dégage. Mérite autant que tout se mélange. J'crois qu'il est temps de me tirer. Serre les dents si ça sent l'accident. Évite d'avoir ce que tu mérites, mais y'a pas tout qui dépend de comment tu t'y prends. La réussite ou l'échec, première option. Le plus dur c'est de le faire avant l'opération. Et c'est pas mes chansons qui m'apportent du positif, mais que de la passion. Pour toi mon frère, ton système auditif. Je fais ça pour et j'espère que t'écoutes attentivement. Sache que l'ours taffe en silence. Ça joue les sources et chacun son discours. Donc chaque jour j'ai un doute quand on me tend le bras gentiment. On vit pas content, on se contente de vivre. Ça meurt de faim, n'ont pas besoin d'autant de fric. C'est rare qu'on prenne le temps de rire, alors là je me suis permis de dire. Qu'assumer c'est beau, mais faut avoir le cran de fuir. On tente le pire pour prendre le titre et raturer les fortes. Jamais de la vie, je marque le 10 vendredi. On fait le truc pour l'envie des passions. Les graffitis qui empilent des rimes à foison. Les gentils, les bandits, le village, les grandes villes. Que la sortie se propage sous les feux de ma passion. On fait le truc pour l'envie des passions. Les graffitis qui empilent des rimes à foison. Les gentils, les bandits, le village, les grandes villes. Que la sortie se propage sous les feux de ma passion. Faut construire sans nous dire tant de mètres où s'écroule. Un penalty dans une cage vide, peur de rater le but. Mais quand il s'agit de faire le truc, des gars peuvent nous marcher dessus. On contrôle pas l'esprit, frère, nos vies c'est leur business. Collection de disquettes, dans ta petite tête. Pas de mixtape, c'est le disquaire. Faut pas que ça devienne un taf, vu qu'aujourd'hui j'ai que ça pour me distraire. On fait le truc pour l'envie des passions. Les graffitis qui empilent des rimes à foison. Les gentils, les bandits, le village, les grandes villes. Que la sortie se propage sous les feux de ma passion. On fait le truc pour l'envie des passions. Les graffitis qui empilent des rimes à foison. Les gentils, les bandits, le village, les grandes villes. Que la sortie se propage sous les feux de ma passion.